Alors, de retour à Futur Simple, en fait, c'est François Grégoire qui vous parle. Et pour commencer l'émission, Valérie va nous résumer l'évaluation environnementale stratégique concernant les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Alors, Valérie, de quoi s'agit-il? Ben, on se souvient peut-être que la ministre Normandeau avait annoncé, c'était peut-être l'hiver dernier, je ne sais plus exactement quand, l'interdiction d'exploitation des hydrocarbures dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, c'est-à-dire l'estuaire, ça va jusqu'en amont d'Anticosti, à l'ouest d'Anticosti. Mais il reste le golfe d'Anticosti et jusqu'aux îles de la Madeleine et jusqu'à la baie des Chaleurs. Donc ce territoire-là faisait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique et le rapport préliminaire de cette évaluation est sorti tout juste ce lundi. Alors cette évaluation, ce n'est pas une étude d'impact, c'est plutôt une description du territoire concerné, des activités humaines existantes, de ce qu'impliquerait de faire des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Donc ça dresse un peu le portrait du territoire. Et est-ce que ça décrit aussi les gisements? Et est-ce que le gisement Old Harry fait partie de ce territoire? Alors oui, il en fait partie, mais non, le document ne décrit pas vraiment les gisements pour la simple raison que ces gisements, ce sont des gisements potentiels. En fait, les données géologiques viennent de la Commission géologique du Canada et ce sont des données préliminaires sur la présence d'hydrocarbures dans le golfe, mais on ne sait pas vraiment combien ni vraiment où. Donc Old Harry serait quand même le meilleur site potentiel. Mais j'étais assez surprise de lire que la présence d'hydrocarbures à Old Harry n'est pas confirmée et que d'ailleurs, dans son cas, il s'agit de gaz naturel et non de pétrole. Moi, je pensais qu'il s'agissait de pétrole. Okay. Par contre, le document décrit les méthodes d'exploration qui seraient utilisées pour localiser les gisements et puis ensuite les méthodes d'extraction. Et pour ces méthodes, le document indique les nuisances environnementales, donc le bruit que ça pourrait faire pour les relevés sismiques, la lumière des installations, les rejets dans l'atmosphère, les déversements liquides, etc. Puis il donne aussi quelques indications sur les causes d'accidents. On apprend par exemple que 85% des déversements marins sont reliés à des tempêtes, ce qui est quand même intéressant quand on sait que les tempêtes, aussi bien hivernales que tropicales, se produisent quand même, ça existe dans le golfe, là, c'est pas des événements exceptionnels. Comme dans le golfe du Mexique aussi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce même rapport dit que les tempêtes hivernales sont en augmentation dans le golfe du Saint-Laurent. Alors, rien pour nous rassurer, quoi. Et que dit en fait l'évaluation concernant la faune et la flore? Alors, en fait, avant d'en venir aux écosystèmes, l'évaluation fait aussi une description du risque sismique, des courants marins, du régime des glaces, des icebergs, des couloirs de navigation, les zones de forte pente dans les fonds, parce que forcément, c'est pas propice à l'installation d'une plateforme. Non, effectivement. Donc finalement, c'est une description physique des lieux. Et ensuite, effectivement, le document fait un inventaire observe la faune, la flore, donc fait un inventaire des zones protégées comme le parc de Forillon, le parc de Miguacha, les îles Mingan, des réserves écologiques. Il y a aussi deux sites identifiés pour devenir des aires marines protégées. On n'en a pas encore au Québec, mais il y a deux sites identifiés. Donc, il s'agit d'un site au large des îles de la Madeleine et au large de Forillon. Il y a aussi des aires non protégées légalement, mais reconnues pour jouer un rôle important dans la conservation de la faune. Donc, on parle de refuges d'oiseaux. Il y a 74 rivières à Saumon également, donc des endroits où les oiseaux, les poissons, les mammifères marins viennent s'alimenter et se reproduire. Et finalement, il y a 40% du territoire conservé qui est jugé moyennement ou fortement sensible. Donc il faut veiller à ne pas détériorer ces endroits-là. Et l'ensemble de ces habitats héberge aussi des espèces menacées ou vulnérables, comme le béluga, la tortue lutte, le râle jaune. Il y en a plusieurs, et des plantes de littoral. Et puis, il y a les espèces d'intérêt commercial, comme le homard, le crabe des neiges, le hareng, le saumon atlantique, et puis sans oublier le phoque, puisqu'on est autour des îles de la Madeleine. Alors, ça nous amène aux activités reliées à la pêche. Si les activités reliées aux hydrocarbures ont un impact sur le homard ou le phoque, ça se répercute sûrement sur la pêche. C'est évident et c'est d'ailleurs relevé aussi dans un chapitre du document qui décrit le milieu humain. Donc la population locale est fortement dépendante de la pêche, mais aussi du tourisme. Si on pense aux îles de la Madeleine, si on enlève la pêche et le tourisme, il ne va pas rester grand-chose pour les Madelinos. Donc À Magan, moi, c'est la même chose. C'est l'observation des et le, y a, au niveau des tourisme, baleines, ouais. Au niveau tourisme, il y a l'observation des baleines, il y a le kayak de mer et même les gros bateaux de croisière dont la circulation pourrait être perturbée par le trafic relié aux hydrocarbures. Mais en parallèle aussi, le document met en parallèle les retombées économiques et les emplois qui seraient créés par l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Et puis, il y a aussi les activités des autochtones et la préservation des sites historiques, des paysages. Donc, c'est un petit peu tout un volet humain qui est aussi décrit dans le document. Et après ce portrait du Golfe, est-ce que l'évaluation s'avance sur les effets environnementaux de l'exploitation des hydrocarbures? Tout à fait. Donc, il y a des effets environnementaux sur l'environnement et sur les populations humaines locales. Donc, par exemple, je donne juste quelques exemples parce que le document fait plus de 90 pages. Donc, c'est quand même beaucoup plus détaillé que ce que je raconte. Donc, on parle des relevés sismiques dans les eaux qui font du bruit, qui peuvent modifier le comportement de la faune. C'est vrai pour les mammifères marins, on le sait, mais c'est aussi vrai pour les poissons et les oiseaux en général. Donc, si on met ça en péril, ça met en péril le tourisme d'observation des baleines, mais aussi la pêche. Donc, ça se répercute pas juste sur les baleines. La même chose pour des substances émises par les activités de forage. Si ça pollue l'eau, les poissons disparaissent et les pêcheurs en subiront les conséquences. Donc, s'il y a un accident, il peut y avoir une contamination, une souillure des installations côtières, portuaires ou toutes sortes d'installations, et avec des conséquences sociales sur la population locale. Mmh. Donc, il y a des préoccupations. Et est-ce que la population va pouvoir dire son mot dans tout ça? Bien, justement, en fait, c'est un rapport préliminaire pour permettre aux gens de s'informer et de participer. Il y a tout un chapitre concernant les préoccupations des parties prenantes, donc les populations locales, mais aussi peut-être ceux qui vont travailler, qui me préconisent l'exploration et l'exploitation de ces ressources. Donc, des préoccupations concernant l'emploi, les redevances, qu'est-ce que la population locale ou québécoise va retirer de l'exploitation de ces ressources, le partenariat avec les communautés, la protection des écosystèmes, la protection des paysages, la protection de l'industrie de la pêche et du tourisme, les risques de déversement et même des conflits frontaliers interprovinces. Donc on parle effectivement peut-être dans le cas de Haldari. Donc des audiences publiques vont avoir lieu cet automne qui permettront de compléter cette évaluation. Et cette évaluation se termine aussi par des recommandations et sur des lacunes de connaissances à combler. Ouais. Donc, c'est un rapport, comme je le disais, qui fait 90 pages. Et pour ceux que ça intéresse, on peut le trouver sur le site de l'Institut EDS à l'Université Laval. Donc, vous allez sur le site de l'Université Laval, vous cherchez l'Institut EDS et c'est dans la section actualité, puisque ça vient de sortir ce 4 octobre. D'accord. Merci beaucoup, Valérie Levé, d'en avoir fait la lecture pour nous. Alors, on part en pause musicale sur CKRL 89,1 et on vous revient après la pause avec cette question existentielle. Le requin est-il l'avenir de l'homme?